Vous écoutez France Culture. Un long dimanche de fiançailles. De Sébastien Japrisot. Adaptation Catel Guillou. Premier épisode. Le sergent Espérance. 6 janvier 1917. Mon amour. Aujourd'hui, je ne peux pas écrire, un camarade landais le fait pour moi. Ton visage est tout éclairé. Je te vois. Je suis heureux, je reviens. J'ai envie de crier ma joie sur la route, je reviens. J'ai envie de t'embrasser comme tu aimes, je reviens. Il faut que je marche vite. Demain, c'est déjà dimanche et on nous marie lundi. J'ai envie de crier ma joie sur la route des dunes. J'entends Kiki, mon chien, qui vient à travers la forêt. Tu es avec lui, tu es belle et tout en blanc. J'ai bien du bonheur de notre mariage. Ah oui, ma Mati. Je viens vers toi dans cette lumière. J'ai envie de rire et de crier, mon cœur est plein de ciel. Il faut préparer la barque avec des guirlandes. Je t'emmènerai de l'autre côté du lac. Tu sais où? J'entends toutes ces vagues immenses et j'entends ta voix dans le vent qui me crie ton amour. Manège. Manège. Et je vois les bougies allumées dans la cabane en bois et nous deux couchés sur les filets. Je vais courir de toutes mes forces. Attends-moi. Mon amour. Ma Mati. Nous serons mariés lundi. Notre promesse est gravée avec mon canif dans l'écorce du peuplier au bord du lac. C'est tellement nous, c'est tellement clair. Je t'embrasse tout doux comme tu aimes. Et tes beaux yeux, je les vois, et ta bouche dans la lumière. Et tu me souris. Manèche. En août 1919, la guerre était finie officiellement depuis 9 mois. Mais cela faisait 2 ans et demi que Mathilde n'avait plus aucune nouvelle de Manèche. Un jour, elle a reçu une lettre marquée du tampon rouge de l'hôpital de Dax. Mademoiselle, vous ne vous souviendrez peut-être pas de moi. Je m'appelle Sœur Marie de la Passion. Je m'appelle Sœur Marie de la Passion. Je vous ai connue enfant au sanatorium de Cap-Breton. La religieuse s'était laissée dire que Mathilde, après l'armistice, avait entrepris des démarches, comme beaucoup d'autres veuves blanches, pour épouser son fiancé disparu. L'un de mes patients, M. Daniel Esperanza, pourrait peut-être vous aider. Daniel Esperanza avait été sergent dans la territoriale. Il avait rencontré Manèche en janvier 1917 sur le front de la Somme. Il est à se reposer sous les arbres. Venez, suivez-moi. Je n'ai jamais beaucoup aimé les hôpitaux, et Mathilde encore moins. Mais celui-là ne ressemblait pas aux autres. Avec sa façade rose et blanche entourée de pins, il avait l'air plutôt rassurant. Tu es bien comme ça? Merci, Sipin. Je vous laisse entre vous. Ne le fatiguez pas trop tout de même. Tu m'appelles si tu as besoin. D'accord. Daniel Esperanza avait 43 ans, mais il en paraissait 60. Il était assis à l'ombre sur un banc, dans un pyjama rayé beige et gris. Bonjour, monsieur Esperanza. Il avait été exportateur de vin de Bordeaux dans le civil. Les quais de la Garonne, les voiles gonflées, les énormes fûts de chêne. Il avait connu toutes ces choses, et elles lui manquaient. Et aussi 2 ou 3 filles du port de la Lune dont il ne savait pas, quand il était jeune, qu'elles seraient en fin de compte les seuls amours de sa vie. Vous savez, mademoiselle, j'étais grand et fort à l'époque. Tous les copains m'enviaient. Je vous enverrai une photo de moi à 20 ans. Vous verrez. La mobilisation en août 14 ne l'avait privé de personne. Ni de père, ni de mère, mort depuis longtemps. Ni de frère, ni de sœur qu'il n'avait pas eu. Je vous demande pardon, mademoiselle. Je ne savais pas que vous étiez dans cet état. Bleuet ne m'avait pas raconté. Et pourtant, Dieu sait s'il m'a parlé de vous. Où avez-vous vu Manèche? S'il vous plaît, dites-moi. Que lui est-il arrivé? Esperanza leva la tête et regarda le soleil qui poudroyait entre les branches des pins. Il ferma les yeux un instant. La peau de son visage était usée jusqu'à l'os. Au début de 1917, je me trouvais avec mon régiment près de Belloy-en-Santerre, à caillouter des routes. Le samedi 6 janvier, mon commandant m'a donné l'ordre de conduire 5 fantassins qui avaient été condamnés à mort en conseil de guerre jusqu'à une tranchée de première ligne dans le secteur de Bouchaven. C'est la prévôté d'Amiens qui lui avait envoyé les instructions. Faites ce qu'on vous dit, Esperanza, mais rien de plus. Si vous voulez mon avis, c'est la moitié du haut commandement qu'il faudra envoyer au cabanon. Bien, commandant. D'habitude, c'était un homme plutôt sec et froid. Mais ce jour-là, il paraissait bizarrement troublé. J'ai choisi 10 soldats de ma compagnie, les plus robustes. On a pris nos fusils, nos cartouches et de quoi manger. Je leur ai tous donné à enfiler les brassards bleu ciel qui m'avaient été fournis avec un grand P écrit en noir dessus. Cartouches, munitions à prendre au coup, là-bas. Et sergent, ça veut dire quoi le P? Ça veut dire prévôté ou bien police, enfin, je sais pas trop. Ça veut plutôt dire patate, oui. Allez, on se bouge un peu. Ils savaient tous qu'ils avaient été désignés pour accompagner des condamnés à mort. Et pour les fusiller, c'est ça? Et Manèche faisait partie des 5? Non, non, on les a pas fusillés. Répondez-moi, est-ce que Manèche en faisait partie? Ce que je veux vous dire, c'est que j'ai vu votre fiancé vivant. Et la dernière lettre que vous avez reçue de lui, c'est moi qui l'ai prise en dictée. C'est moi qui vous l'ai envoyée. La dernière lettre de Manèche était datée du 6 janvier 1917 et, en effet, elle n'était pas de sa main. Mathilde m'en avait fait la remarque tout de suite. Vous êtes des Landes? De Soustau. Manèche était l'un des 5, n'est-ce pas? Oui. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il avait fait? Comme les autres, ils étaient tous condamnés pour mutilation volontaire. La main, tous les 5. Un camion est venu nous chercher. Il nous a laissés à une vingtaine de kilomètres au nord, dans les ruines d'un village qui s'appelait Dancourt, ou Nancourt, je ne sais plus. C'est là que nous devions prendre en charge les 5 malheureux soldats. Il devait être dans les 4 heures de l'après-midi. Toute la campagne était couverte de neige. Il faisait froid et le ciel était blanc. On distinguait à peine l'horizon. Mais autour de nous, tout était dévasté. Il n'y a plus un seul mur debout. On a attendu. Un bataillon de Sénégalais qui descendait au repos a défilé devant nous, lentement. Ils étaient tous emmitouflés dans leur peau de bique et leur cache-nez. On aurait dit des spectres. Et puis une ambulance est arrivée, avec un lieutenant médecin et un infirmier. Bien respect, mon lieutenant. Je vous préviens, sergent. Je suis là pour soigner les blessures, rien d'autre. Bien. Ils ont attendu avec nous. Eh ben, on dirait qu'ils sont pas pressés de mourir, les bonhommes. Aisez-vous, caporal. Cela vous portera malheur. Les 5 condamnés sont finalement arrivés à pied. Ils avaient les bras liés dans le dos. Ils étaient encadrés par des dragons à cheval, en bleu horizon, comme nous tous. Bienvenue, mon adjudant. On a croisé des bamboulas sur la route. Ils nous ont regardés avec des yeux. J'ai bien cru à un moment qu'ils allaient se jeter sur nous pour dévorer les chevaux. L'adjudant qui commandait le peloton a comparé nos listes de prisonniers. Il tenait à ce que je vérifie l'identité de chacun et que tout soit en règle. Après quoi, il m'a demandé d'écrire la date et l'heure et d'apposer ma signature au bas de sa propre liste, en manière de décharge. La guerre m'a appris à me méfier de tout, en particulier de signer des papiers dont on ne sait pas sur quel bureau ils vont atterrir. Mais il était mon supérieur, alors j'ai obéi. Bon courage, sergent. Merci, l'adjudant. Et tous les dragons sont repartis dans un grand nuage d'haleine blême. Ensuite, que s'est-il passé ensuite? J'ai fait détacher les prisonniers. Ils se sont assis où ils pouvaient. L'un sur une vieille poutre, l'autre sur un pan de mur effondré. On leur a donné à boire et des biscuits. Ils n'étaient pas lavés depuis plusieurs jours, ils avaient froid. J'ai encore la liste dactylographiée que m'avait donnée mon commandant, avec leur nom et leur prénom. Je vous la donnerai tout à l'heure. Merci. Et d'autres choses aussi. Mais moi, que voulez-vous, mademoiselle? J'ai pris le pli des tranchées. Il m'est plus facile de les appeler comme on les appelait à la guerre. Le plus âgé des cinq, 37 ans, était un menuisier parisien du quartier de la Bastille. On l'appelait l'Esquimau parce qu'il avait couru le Grand Nord dans sa jeunesse. Il avait à ses pieds des bottes allemandes et ça m'a étonné qu'on les lui ait laissées. On m'a pris comme ça. J'ai réclamé des godillots, mais on me les a refusés. Pourquoi t'as pas été mobilisé dans la territoriale? À ton âge, t'aurais jamais dû être en première ligne. Je suis rentré d'Amérique pour mon service, avec 3 ans de retard. Ah. Et puis de toute façon, maintenant on bouche les trous même avec plus vieux que moi. En tout cas, c'est pas malin ce que t'as fait. J'ai rien fait du tout. C'était un accident. Oh. Et c'est une belle saloperie de m'avoir condamné, je peux te le dire. Le deuxième avait 31 ans. C'était un caporal dégradé qu'on appelait Sissou. J'ai jamais su pourquoi. Lui, il clamait haut et fort s'être tiré un coup de fusil exprès et que si c'était à refaire, il recommencerait. Ça va te... Quoi? Qu'est-ce que tu dis? T'es que le larbin des assassins. Il était soudeur en banlieue et syndicaliste rouge. Il avait la fièvre. Je suivais le lieutenant médecin tandis qu'il allait de l'un à l'autre pour nettoyer les blessures et refaire les pansements. De tous, c'est lui, Sissou, qui était le plus salement touché. C'est une chance pour lui cette neige. On sera en été, la gangrène l'emporterait plus vite que ce qu'il attend. Un autre était un Marseillais de 26 ans, récupéré dans une prison qu'on appelait « droit commun ». Il était pâle, exténué. Comme ce n'était pas indiqué sur ma liste, je lui ai demandé quel était son métier dans le civil. Et j'en ai pas. Je suis qu'un pauvre fils d'étranger, c'est marqué noir sur blanc dans mon livret militaire. Alors, si je suis pas vraiment français, pourquoi on me tue, hein? Pourquoi? Cigarette? À vous au moins, on voit que vous êtes brave. D'instinct, droit commun restait à côté d'un grand gaillard de la Dordogne, un paysan de 30 ans, taciturne, mais attentif à tout. Lui n'avait pas de surnom. Pour le désigner, on disait « cet homme ». On ne l'avait pas entendu appeler autrement. J'ai essayé de lui parler, mais il regardait ailleurs. Je lui ai dit que la Dordogne n'était pas loin de chez moi. Je lui ai proposé une cigarette. Je ne l'intéressais pas. La cigarette non plus. Et mon Kiki, mon petit chien, il viendra habiter avec nous. Il est là. Et Kiki, viens. Viens voir les gens, viens Kiki. Bleuet, votre fiancé, se tenait debout à l'écart. À un moment, il a ramassé de la neige dans sa main valide et l'a pétri en une boule qu'il a lancée sur moi, maladroitement. Fais pas attention, sergent. Ça fait des heures qu'il n'a plus ses esprits. Nous avons fait asseoir Bleuet. Pendant qu'on le soignait, il détournait la tête pour ne pas voir sa blessure. Je suis bien content de rentrer chez moi. Mais il souriait. Qu'est-ce qu'il ne voulait pas voir? Elle était comment, sa blessure? Votre fiancé était amputé de la main droite. Mais ça faisait déjà plusieurs semaines qu'il avait été opéré. Il ne souffrait plus. Quand ils ont eu fini leur travail, le docteur et l'infirmier sont remontés dans l'ambulance. Docteur, attendez. Dites, le gamin là, vous croyez qu'il simule? J'en sais rien. Qu'est-ce qu'il aurait à gagner? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Le lieutenant médecin avait les yeux cernés. Il semblait découragé de faire son métier à la guerre. Et plus encore de soigner des hommes pour qu'on les exécute. Il n'avait pas 30 ans. C'était un Corse, du nom de Santini. J'ai su qu'il était mort lui aussi 2 jours plus tard, dans un bombardement à Combes. Attachez-les, on y va. J'ai fait de nouveau attacher les prisonniers, bras dans le dos, comme il m'était ordonné. Et nous avons marché vers Bouchaven, les prisonniers en file, chacun encadré par 2 soldats. La tranchée de première ligne, où je devais les conduire, portait un numéro. Mais à la guerre, il en allait des tranchées comme des bons hommes. On retenait plus facilement les surnoms. Celle-là, on l'appelait Bingo Crépuscule. Ne me demandez pas pourquoi. À l'entrée des boyaux, après 2 kilomètres d'une route crevée par les obus, un soldat nous attendait. Sergent Esperanza. Soldat Mouchetier. J'amène les 5 hommes. Suivez-moi, sergent. Et surtout, faites bien attention au fil. Attention au fil. Attention au fil. Ah, ça va? Rien de cassé? Saloperie de boyau. Merci, merci. J'avais honte d'emmener ainsi comme des misérables 5 des nôtres, sous le regard de ces hommes qui attendaient de monter en ligne ou en descendaient, plaqués contre les parapets pour nous livrer passage. Attention au fil. Le soleil était une grosse boule rouge dans le ciel d'hiver. De ses reflets sans chaleur, il éclairait par-delà nos lignes et la plaine enneigée, la saignée noire et sinueuse des positions allemandes. Attention au fil. Je n'avais encore jamais connu une atmosphère aussi étrange. Seul un chuchotement s'élevait de loin en loin, comme partout sur le front, pour demander à faire attention au fil du téléphone. Parce que ce fil, là où nous allions, était tout ce qui reliait les hommes au monde des vivants. À 1/2 kilomètre encore de Bingo Crépuscule, nous sommes arrivés à un carrefour de boyaux et de tranchées de seconde ligne, baptisé Place de l'Opéra. Là, nous attendait un capitaine, enveloppé depuis le col jusqu'à la pointe des bottes, dans une fourrure d'automobiliste. Il m'a pris à part et m'a poussé dans l'abri où aboutissait le fil du téléphone. Bordel de merde, Esperanza, vous ne pouviez pas vous arranger pour larguer ces pauvres types en route. Capitaine, excusez-moi, je comprends pas. Vous n'aviez qu'à tourner les yeux pour qu'ils s'enfuient, leur botter le cul pour qu'ils courent plus vite, je sais pas, moi. Je serai dans de beaux draps, moi, maintenant. Vous ne voulez peut-être pas d'histoire, mais mon commandant encore moins. Moi, j'ai reçu l'ordre de vous amener 5 condamnés en conseil de guerre. Ce que vous en ferez ensuite, j'ai pas à le savoir. Ah, parce qu'on vous l'a pas dit, peut-être. Eh bien moi, non seulement je suis pas cachotier, mais je tiens à ce que vous le sachiez. À la nuit, les bras attachés, on va les balancer dans le bled, devant les barbelés de Bingo, et on les y laissera crever ou se faire trouer la peau par ceux d'en face. Voilà mes ordres à moi, sergent. Voilà mes saletés d'ordre. Vous avez déjà entendu pareille connerie? J'avais entendu parler de ce châtiment qu'on réservait à des soldats perdus. Mais c'était longtemps avant, au début de 1915, en Artois. Et puis on racontait tant de choses à la guerre que je n'y avais pas cru tout à fait. Mon régiment a perdu beaucoup de monde dans l'avancée de l'automne. Mais depuis quelques semaines, le secteur est comme assommé par les combats. On reste tranquille d'un côté comme de l'autre. On ne fraternise pas, on s'ignore, on s'économise, quoi. Il y a des jours sans un seul coup de fusil. Les hommes attendent la relève pour après-demain. On avait bien besoin que vous nous apportiez la merde. Ce n'était pas un mauvais cheval, au fond, ce capitaine. Son vrai nom était Favourier, mais on l'appelait Parlemal pour son langage fleuri. J'ai emmené les prisonniers dans sa propre cagnard, comme il m'avait demandé de le faire, pour y attendre la nuit. Un petit poêle y était allumé, preuve qu'on ne craignait guère d'être repéré par l'ennemi. 6 sous se tenaient près du feu pour que sèchent ses vêtements. Droit commun s'était endormi. Pendant 1/2 heure au moins, Bleuet m'a parlé de vous. Son discours était exalté, plein d'incohérences et de redites. Mais dans le torrent de ses mots, brillaient des choses vraies comme des galets blancs. Et toi, le bleuet, tu manges pas ta soupe? Non. J'ai envie d'une tartine de miel et un bol de chocolat. Ah. N'oubliez pas, mon lieutenant. Je m'en vais tuer père et mère pour vous trouver ça. Le soldat qui est parti sur ces paroles n'était guère plus âgé que votre fiancé. C'était Célestin Pou, la terreur des armées, comme on l'appelait là-bas. Ça vous dirait d'écrire à vos familles? On a rassemblé des crayons et du papier. Des 5 condamnés, 3 étaient blessés à la main droite. Mais 1 était gaucher, cet homme. Il ne restait que droit commun et bleuet à ne pouvoir écrire. Droit commun s'est assis dans un coin avec le lieutenant pour lui dicter sa lettre. Moi, j'ai écrit sur mes genoux celle de bleuet. Les 3 autres se sont installés comme ils pouvaient. Bon, je vous préviens. Si vous faites la moindre allusion à la sale situation dans laquelle vous vous êtes fourré, vos lettres seront détruites aussitôt. Célestin Pou est revenu avec un quart de chocolat et du miel. Mon cher Louis, si tu vois Véro, dis-lui la bonne année. Et que je pense à elle, et que je regrette bien qu'elle ne veut plus me parler. Ma chère femme, dis-lui que je sais que tu attendais une lettre de moi depuis longtemps. La dernière pensée sera pour elle. Mais je n'ai pas pu t'écrire parce que j'ai été changé de régiment. Et c'était très difficile avec tous les tracas des voyages. J'espère que tu as pu faire de beaux cadeaux. Dis au père Bernet que je veux tout régler pour le début mars. Petite Sophie, bien aimée. Sinon, tant pis pour lui. Il nous vend son engrais trop cher. Je pense malgré tout qu'il fera l'affaire. Demain, c'est déjà dimanche et on nous marie lundi. J'ai envie de crier ma joie sur la route des dunes. J'entends Kiki, mon chien, qui vient à travers la forêt. C'était un moment étrange. Tu es belle. À la fois très paisible et très triste. Bien du bonheur de notre mariage. Je les voyais s'appliquer comme des écoliers en suçant leurs crayons. Je viens vers toi dans cette Bleuet vous disait son amour entre deux bouchées de sa tartine. Mon cœur est plein de ciel. J'avais l'impression d'être dans autre chose que ma vie, ou que la guerre. Côté du lac, tu sais où. Une espèce de rêve poisseux d'où je ne sortirai jamais plus. J'entends ta voix dans le vent qui me crie ton amour. Manège. J'espère de tout mon cœur que je vais m'en sortir et après, je me ferai pardonner toutes les misères que je t'ai faites. Ma chouquette, je serai tellement gentil avec toi que tu te pinceras pour y croire et j'embrasserai tes bleus. Finalement, si l'on passe sur l'orthographe, il n'y avait rien à reprendre à ce qu'ils avaient écrit. Aucun ne tenait à aggraver le chagrin des siens. J'ai plié les feuilles en 4, je les ai rangées dans une poche de ma veste. J'ai promis de les mettre sous enveloppe et de les envoyer à leur destinataire dès que j'aurai rejoint mon régiment. Oh, il me reste le plus pénible à vous raconter, mademoiselle. Vous êtes sûre de vouloir entendre la suite? Je ne suis pas sotte. J'ai bien compris ce qui s'est passé. Les 5 soldats ont été jetés en pleine nuit dans cette zone que les Anglais appellent le No Man's Land, et nous, la Terre de Personne. C'est ça. Ce que je veux savoir, c'est comment ça s'est passé. Alors continuez. C'était Un long dimanche de fiançailles de Sébastien Japrizo. Adaptation Catel Guillou. Premier épisode avec Rebecca Stella, Mathilde, Dominique Parent, Sylvain, Thomas Sagols, Célestin Pou, François Sienner, Daniel Esperanza, Nicky Marbeau, L'Esquimau, Kléber Bouquet, Franck Laurin, Sissou, Francis Gagnard, Florent Houlier, Cet homme, Benoît Notre-Dame, Félicien Jutner, Droit commun, Ange Bassignano, Clément Laguarde, Manèche, Bertrand Suarez Pazos, le capitaine Favourier, Benoît Marchand, le lieutenant Estrangin, Guillaume Marquet, le lieutenant médecin Santini, Juliette Croizat, sœur Marie de la Passion, Jacques Poitérier, le commandant, Régis Chaussard, le caporal Beaufy, Hervé Colombel, l'adjudant des dragons, et bien d'autres. Bruitage, Bertrand Amiel, équipe de réalisation, Sébastien Labarre, Manu Couturier, Vivien Demeyer, Jean-Mathieu Zand. Un long dimanche de fiançailles est paru aux éditions de Noël. À demain.